Yeah. C'est The Clique, la France d'en bas. Les frères de la rue, hein. Zaska, MALAX, NJH, Clique, MARO, bah. Je représente la France, celle décidée, là où beaucoup finissent en tôle ou décédée. Celle qui sent seule, celle qui sent cesse, pleure sur son sort, mais fuck la censure. Celle autour de mettre pas de costard, pas de chaussures en basket, pas de chapeau, une casquette. T'inquiète, c'est notre manière de s'habiller. Cité contre cité, on perd notre temps à s'abîmer. Celle qui sème aux clients du sème, la seule raison, la somme. Histoire de s'évader des papas, bâtiments, les coins sombres, interdits aux papas, bâtiman. C'est que le cerf qu'on veut nettoyer au car, cher. C'est que la justice, sans putain un car, sert. Celle qui prend le vert, l'or. On est sous bois, trois queues de BER, approche vers là. La France nous a trahis, nous a haïs. Devant tous ces clichés, elle nous a salis. Envers elle, j'ai de la haine, pas d'amour, et c'est la même. Frère, jusqu'à ma mort. La France nous a trahis, nous a haïs. Devant tous ces clichés, elle nous a salis. Envers elle, j'ai de la haine, pas d'amour. Et ce sera la même, frère, jusqu'à ma mort. Dans une ruelle étroite se cache le malheur d'une mère angoissée par son fils enfermé. Bien plus qu'un triangle s'unit, le triangle de la mort. Dans un accord décor où y'a plus de trêve pour la guerre, plus de rêve pour mes frères, plus d'espoir, plus d'amour, plus de respect. Comme ce condamné à mort qui attend son heure. Sortez-moi de ce cauchemar où je me retrouve heurté par la foule comme un jour d'émeute. Respire la saleté de ce monde, ces bavures masquées en légitime défense. La décadence des anciens, la vengeance ou la pénitence pour certains qui prétendent être révolutionnaires. Dans cette putain de France en bois qui nous a trahis, qui nous a salis, qui nous a trahis, qui nous a haïs. Devant tous ces clichés, elle nous a salis. La France nous a trahis, nous a haïs. Devant tous ces clichés, elle nous a salis. Envers elle, j'ai de la haine, pas d'amour, et c'est la même, frère, jusqu'à ma mort. La France nous a trahis, nous a haïs. Devant tous ces clichés, elle nous a salis. Envers elle, j'ai de la haine, pas d'amour, et ce sera la même, frère, jusqu'à ma mort. La France nous a trahis, nous a haïs. Devant tous ces clichés, elle nous a salis. Envers elle, j'ai de la haine, pas d'amour, et c'est la même, frère, jusqu'à ma mort. La France nous a trahis, nous a haïs. Devant tous ces clichés, elle nous a salis. Envers elle, j'ai de la haine, pas d'amour, et ce sera la même, frère, jusqu'à ma mort. Hein, jusqu'à la mort, ça sera la même, frère. Hein, check ça, c'est Enzo Clique pour les frères de la rue, hein. Pour les sœurs de la rue, pour tous les ghettos de France. Nord, sud, est, ouest, c'est la même souffrance. Check ça. Check ça.